بزرگ قیافه. Et pourquoi tu Mais si, ils sont là, les petits-enfants, ils sont là, ils sont en train de dormir, ils sommeillent en chacun de nous. Je ne sais ce que sont devenus les petits-enfants. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est actuellement 22h30 si nous sommes le vendredi et que vous nous écoutez sur Bram FM. Il est 21h si vous nous écoutez sur Radio Radio. Et oui, cette émission est multidiffusée, c'est formidable. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous sommes vraiment autre chose. C'est le jeudi soir, vraiment autre chose, la petite émission musicale d'Obédience Progressive. Mais vraiment autre chose, hors série bien sûr, la suite de nos déambulations au pied de la lettre, c'est l'épisode 27 de cette série de hors série que nous vous proposons et qui est une tentative d'exploration de la Nurse With Wound List. Je vous envoie aux épisodes précédents afin de savoir de quoi il s'agit, sinon je vais très très rapidement brosser le portrait. C'est un groupe qui s'appelle Nurse With Wound qui sort son premier album en 79 et dans cet album il y a de la très bonne musique, mais il y a aussi une liste de à peu près 200 musiciens, musiciennes, groupes qui les auront influencés, qui auront aidé leur écoute, car oui, ces musiciens l'affirment, nous ne sommes pas musiciens, il ne faut pas besoin de savoir jouer un instrument pour faire de la musique, il suffit de savoir écouter, et nous donne donc le mode d'emploi, cette liste, les choses qu'il fallait écouter pour créer la musique de Nurse With Wound. Cette liste, elle est devenue célèbre pour plein de raisons, on n'avait pas d'internet à l'époque, donc c'était vraiment l'espèce de référencement de choses totalement obscures, de choses très connues, des groupes, des musiciens très connus, et aussi des choses complètement obscures qui n'auraient pas passé l'histoire sans cette liste, parce que cette liste est devenue célèbre, parce que les disquaires se sont mis à faire des bacs spécialement dévolus aux groupes appartenant à cette liste, parce que nombreux albums ont été réédités, qui étaient sortis en autoproduction à 500, 600 exemplaires, et bien ont été réédités, ont eu une deuxième vie. Certains groupes sont devenus célèbres grâce à cette liste, c'est quand même une histoire assez formidable. Et donc nous, on s'y attaque dans vraiment autre chose depuis pas mal d'épisodes pour vous présenter lettre par lettre, tous les groupes composant cette liste, et il y en a plein. Et quand je dis nous, c'est que je ne suis pas seul, car je suis accompagné ce soir par le camarade Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir tous. Un bel bonsoir de la part de Bruxelles. Et ouais, et donc ce soir nous allons, pour cet épisode donc 217, pour cet épisode 27, pardon, nous allons en terminer avec la lettre L et attaquer la lettre M. Nico, est-ce que tu peux nous teaser un peu, là, nous donner envie de rester à l'antenne en nous racontant ce que tu vas nous raconter? Oui, donc cette fois-ci j'ai choisi deux artistes, le premier c'est Alvin Lucier, et ensuite on va continuer avec Nemnomists. Eh bien, ça donne bien envie. Quant à moi, en toute fin d'émission, je vous présenterai le duo Mathé Valencien. Restez à l'écoute, parce que franchement, ça, c'est une petite découverte. J'aurais jamais pu faire sans cette liste, et franchement, c'est magnifique. Il y aura aussi un groupe de krautrock qui répond au doux nom de Lily, qui a une histoire assez marrante. Je vous raconterai tout ça. Et nous allons commencer, rentrer direct en vif du sujet. Je vais vous parler de Bernard Lubat. Alors, Bernard Lubat. Je ne vais pas vous mentir, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. À la base, c'était le camarade Stéphane qui devait être des nôtres pour nous présenter Bernard Lubat. Stéphane, c'est vraiment un spécialiste de jazz. C'était vraiment la personne idoine pour vous présenter ce musicien. Et Stéphane n'étant pas là, ben, j'ai repris ça un petit peu au dernier moment. J'ai passé ma soirée d'hier à écouter pas mal d'albums de Bernard Lubat, histoire d'essayer de cerner un peu le musicien, puis de comprendre pourquoi il se retrouvait dans cette liste, la Nurse With Wound List. Sachant que Nurse With Wound est un groupe plutôt expérimental, donc d'aller essayer de traquer ce qu'il pouvait y avoir d'expérimental dans la vie et surtout dans l'œuvre de Bernard Lubat. Bernard Lubat, le nom vous parle forcément, je pense, parce qu'on lui doit une musique extrêmement célèbre. Si va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser, à l'avant des écoliers. Balancer dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le... L'indifférence, ce titre sorti donc Bernard Lubat, accompagné par André Mainvial, c'est vraiment, c'est un titre qui a fait un peu exploser la réputation de Bernard Lubat. On l'a entendu tourner en boucle dans les années 80-90 sur pas mal de radios. C'était même la musique de chroniques d'humoristes que j'écoutais écoutais sur France Inter quand j'étais tout petit. Enfin voilà, c'est vraiment un titre qui aura permis au grand public de découvrir Bernard Lubat. Et pourtant, Bernard Lubat a une carrière extraordinaire, a joué avec énormément de musiciens, a touché à peu près à tous les genres. C'est vraiment un musicien assez passionnant. Alors, il est né le 12 juillet 1945 à Uzeste, petite commune girondine du Basaldis en Gascogne. Et vous verrez par la suite que c'est très important de parler de ça quand on parle de Bernard Lubat. Je crois qu'il a 5 ans à peine, il vient d'une famille de musiciens, il a 5 ans à peine quand il commence déjà à faire des percussions dans des soirées organisées dans le bar L'Estaminet, qui est une espèce de bar, repère syndical, un peu la salle à tout faire du bled, du zeste. Donc c'était la salle qui était tenue par ses parents. Et donc c'est comme ça qu'il débute. Et ensuite, cours de batterie au taquet, conservatoire, tout le parcours habituel d'un musicien, conservatoire, l'école de musique du canton, puis le conservatoire de Bordeaux, puis le conservatoire de Paris. On lui propose d'être prof, il veut pas. Il dit non, ça ne m'intéresse pas tellement de devenir prof. Je préfère largement passer mes soirées dans les clubs de jazz pour écouter, jouer, faire du studio. Et à partir de 65, Bernard Lubat joue avec Jeff Gilson, dont on avait parlé plus tôt, qui fait partie de cette liste, avec des musiciens comme Daniel Humer, Michel Portal, Eddie Louis, René Thomas. Il fait partie des double 6, du quintet vocal double 6, encore un truc qui aura bercé mon enfance, décidément. Je ne connaissais pas Bernard Lubat, mais il était assez présent dans ma vie. Il a aussi participé à la création de pièces de Luciano Berio, donc là on est carrément dans la musique contemporaine. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment un musicien touche à tout. Donc je me suis demandé un peu quel était le premier enregistrement qu'avait pu faire Bernard Lubat dans sa carrière. Et ben le premier album où Bernard Lubat est crédité, il sort en 1969, l'album s'appelle Vibraphone, et le label s'appelle Télémusique. Et en fait, Télémusique, c'est un label qui sort de la... Alors, je me souviens plus de la library music, on dit ça en anglais, je me souviens plus trop du terme en français, mais c'est de la musique illustrative, en fait, qui va être utilisée par la suite par les télévisions, ou même par les cinémas, pour illustrer. Voilà, c'est vraiment de la musique, méchamment, on appelle ça la musique au kilomètre, parce que c'est vraiment la musique qu'on va mettre en fond derrière quand on parle ou quand on présente quelque chose. Et en même temps, il y a énormément de très très bons musiciens et de très très beaux compositeurs qui se sont essayés à ce genre-là. Ce qui fait que la library music, c'est quand même une musique qu'on pourrait qualifier d'easy listening, mais qui vaut carrément le coup d'oreille. Et ben, j'en veux pour preuve, je vais vous faire écouter deux extraits. Donc c'est les premières compositions de Bernard Lubat, ce sont des compositions pour la télé, voilà, qui l'eût cru. Donc on va s'écouter un extrait de l'album Vibraphone qui est sorti donc chez Télémusique en 1969, le titre s'appelle Vibra Burlesque. Et par la suite, deuxième album, on est en 1971, toujours chez Télémusique, l'album s'appelle Variation et le titre s'appelle Mr. Ghost. Donc on va démarrer ce vraiment autre chose, hein, qui l'eût cru, par un peu de library music et ça fait bien plaisir. Et vous allez voir que on sent déjà que le compositeur a des choses à raconter, même dans un cadre hyper formaté, comme vous allez l'entendre. Donc c'est parti, Vibra Burlesque suivi de Mr. Ghost. Thank you. Voilà, on vient d'écouter donc deux titres de Bernard Lubat. C'est vraiment les débuts, les premiers albums enregistrés et signés Bernard Lubat, donc à la composition, parce que le monsieur est compositeur. Et bah, comme on peut s'en rendre compte sur ces titres, je trouve que, voilà, malgré le fait que c'est de la musique censée être au kilomètre, il y a quand même beaucoup d'inventivité. Il y a un côté extrêmement joyeux, extrêmement populaire, qu'on retrouvera d'ailleurs tout au long de la carrière et des compositions et des disques signés par Bernard Lubat. En 71, encore un disque de Library Music, si j'ose dire, qui s'appelle More Creative Pop, qui est sorti par le label anglais IML, qui lui est allé chercher des compositeurs français, trois compositeurs français, pour leur demander, pour compiler un peu des musiques comme ça, des petites musiques joyeuses et illustratives à utiliser sur les programmes de télé. Et ce qui est assez amusant, c'est que, outre Bernard Lubat dans cet album More Creative Pop, on retrouve Teddy Lasry et Claude Engel, à savoir deux des musiciens formateurs du groupe Magma. Donc voilà, rien à voir. Magma, pour le coup, on en parlera un petit peu plus tard. Ils font partie de la liste, ils sont à la lettre M. On en parlera peut-être à la prochaine émission, qui sait. Mais en tout cas, façon de dire que les musiques de télé, de générique, la library music, c'était une bonne façon pour les musiciens non seulement de gagner sa croûte, parce qu'il y avait quand même un peu d'argent dans ces productions-là, et aussi une bonne façon de s'essayer un peu à la composition, un truc assez libre, malgré les carcans obligés. On va s'écouter Pop à Bossa, donc pas toujours signé Bernard Lubat, donc dans cet album More Creative Pop qui date de 1971. En plus, il y a un fade-out, alors on est content. C'était Bernard Lubat, donc Pop à Bossa. Donc, on va fermer là la parenthèse Library Music. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. En vrai, ces albums de Library Music, je me les suis envoyés hier. C'est joyeux, c'est sympa, c'est léger, c'est sûr, ça... On n'a pas non plus un lot de surprises incommensurables. On se dit, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, par exemple, avec Nurse with Wound. Mais c'est quand même assez sympa de voir un peu comment le son de Bernard Lubat s'est créé aussi par ça. C'est comme ça qu'il gagne sa croûte, notre ami Bernard, et aussi en travaillant avec énormément de musiciens. Il devient batteur de studio. Il joue dans l'orchestre de Jeff Gilson, dont j'ai parlé plus tôt, et qu'on évoquait à la lettre G dans la Nurse with Wound List. Et il accompagne pas mal de vedettes de variété, par exemple Dalida, Charles Aznavour, Claude François, Yves Montand. Et à côté, il bosse avec plein de musiciens de jazz, pareil. Donc, dès qu'on l'appelle, il vient. Et tout ça lui permet de... Bah, d'étoffer son langage musical. Et en 1971, il sort un premier album de composition vraiment personnelle, un album à lui, sous le nom de la formation Bernard Lubat and His Mad Ducks, c'est Canard Fou. Et on y retrouve justement Eddie Lewis, dont il avait fait la rencontre dans les doubles 6. Dans le titre qu'on va écouter, il y a aussi François Jiménez qui est à la guitare, mais sur d'autres titres à la guitare, on retrouvera Claude Engel, pareil, avec qui il partageait la composition de Mort Creative Pop et qui créera Magma, un petit peu, qui a déjà créé Magma d'ailleurs en 71, hein, qui a plusieurs cordes à son arc. Et cet album, donc Bernard Lubat and His Mad Ducks, on est dans une musique qu'on va qualifier de jazz rock, vraiment. Je ne parlerai pas d'influence du Miles Electric, mais il y en a un petit peu. Il y a le funk qui commence un petit peu à poindre par endroits, et aussi un petit côté zapaïen sur certaines compositions. Un langage qui commence à être un peu propre, même si on est propre à lui, je veux dire, même si on y retrouve certaines influences, mais qui sont loin d'être les pires. Donc on va s'écouter un extrait de cet album-là, Bernard Lubat and His Mad Ducks, et j'ai choisi le titre Vendredi chez Astrid Trasouden. Bye. Bernard Lubat and His Mad Ducks, c'est le premier album donc enregistré, composé avec Bernard Lubat, et dans lequel il joue, et notamment il joue de la batterie, et il excelle hein, sur ce titre par exemple, on n'entend que lui quoi, ça éclate. Tu connaissais un petit peu tout ça, Nico? Non, pas du tout, mais c'est justement les deux premiers morceaux que tu as joués, ça m'a laissé fort réfléchir un peu à Jacques Tati. Oui, carrément, ouais, tout à fait. Tout à fait, il y a ce côté un peu burlesque et puis aussi, ouais. Aussi illustratif, ouais. Et cet album-là, Bernard Lubat and His Mad Ducks, bon, faut vraiment être fan de cette certaine façon de faire du jazz rock dans les années 70. Perso, c'est pas spécialement ma cam, mais si vous avez apprécié ce titre, jetez-vous sur l'album, hein, parce qu'il est vraiment, pour le coup, vous y retrouverez tout ce que vous aimez. Cet album se conclut par un titre qui s'appelle Mickey Schroeder's Dream, qui est juste un titre au piano. Bernard Lubat est au piano, parce que Bernard Lubat est polyinstrumentiste. Et d'ailleurs, lui se qualifie comme un mal polyinstrumentiste, pour être précis. Et je vous parle de ce titre parce qu'on le retrouvera dans un album qui sort à la même période, et qui est un album live, qui est un live à Montreux, où on retrouve des noms qui vous sont familiers maintenant, Eddie Lewis à l'orgue et au piano, Claude Engel à la guitare et Bernard Lubat donc à la batterie et à la percu. Donc c'est un live signé par ces trois musiciens hein, sous le nom, que je ne dise pas de bêtises, sous le nom Lubat Lewis Engel Group. Pour le coup, autant la pochette de Bernard Lubat and His Mad Ducks correspond à la musique, c'est-à-dire qu'elle est un peu folle, et on sait que Steve Stapleton avait tendance à choisir les disques par rapport à leur pochette, c'est possible qu'il ait jeté une oreille à ce disque-là. Le disque dont je vais parler maintenant, ce live à Montreux, là, qui date aussi de 1971, la pochette est beaucoup moins folle, hein, c'est des photos en noir et blanc, c'est vraiment une pochette de base. Par contre, musicalement, c'est certain qu'il a dû y jeter une oreille, notamment à la version de Mickey Schroeder's Dream, qui est beaucoup plus longue, qui là dure à peu près 13 minutes, et qui, au niveau de son évolution, du travail un petit peu sur le son, des surprises et des choses expérimentales qu'on peut y entendre, s'il fallait chercher par quel biais Bernard Lubat aurait pu influencer Steve Stapleton, c'est probablement ce morceau-là qu'il faut écouter. Donc on va l'écouter. Donc Mickey Schroeder's Dream, version live, donc dans le live à Montreux de 1971. Thank you. Est-ce que les crépitements et le bruit du lecteur vinyle qui tourne, c'est encore, même quand la musique est finie, c'est encore de la musique? Vaste question. En tout cas, un album qu'on a écouté dans son jus, hein, ça n'a jamais été réédité, donc on a dû se contenter de la version LP de l'époque, gentiment numérisée par quelqu'un. Et ma foi, on est encore, on est en 1971 après tout, et c'est probablement ça. Et peut-être avec ce son-là que Steve Stapleton a découvert la musique de Bernard Lubat. Donc le reste de l'album, à vrai dire, est plus impro, jazz rock, encore un peu funk, un peu dans la lignée de l'album Mad Ducks. Il y a vraiment que ce morceau-là qui dénote par ce surprenant développement et aussi ces petits effets studio, effets de l'ingénieur du son Stephen Soulke, il s'appelle, on veut le citer parce qu'il a son importance aussi dans ce titre-là, qui est probablement le lien que je cherchais depuis le début entre Bernard Lubat et la Nurse Wisbon List. Par la suite, Bernard Lubat continue donc sa carrière prolifique, a sorti de beaucoup d'albums, que ce soit dans la musique expérimentale ou dans la musique populaire. En 1970, oui, il joue avec Claude Nougaro notamment aussi, hein, pour le côté populaire et variété. Et en 77, il fonde le Festival du Zest et aussi la compagnie Lubat. Et ce Festival du Zest et cette compagnie Lubat, c'est l'occasion pour lui justement de faire le lien entre musique compliquée et musique populaire, si j'ose dire, entre musique free jazz moderne et musique traditionnelle. Et ce sera, voilà, ce sera un des fers de lance de la suite de la carrière de Bernard Lubat, bah, notamment dans ce festival du Zest, qui est un festival vraiment incontournable pour y retrouver justement et du balpop et du free jazz complètement barré. Il y a vraiment tout ça dans ce festival, il y a tout ça dans l'œuvre de Louis Lubat, dans tout le travail avec sa compagnie. Dans les années 80, un petit peu plus tard d'ailleurs, il participe à un truc qu'on a appelé la ligne Imagino et qui est un espèce de tentative de lien entre tout, entre pas mal d'artistes qui utilisent leur patois local. Et on y retrouve notamment les Fabulous Troubadours ou les Fémousté de Toulouse, Massilia Sound System de Marseille, le poète Serge Pey notamment. Voilà, ce sera vraiment encore une fois l'un des fers de lance de la carrière et de l'œuvre de Bernard Lubat que de faire réémerger les musiques traditionnelles, et c'est probablement grâce à ce travail-là que de nos jours on retrouve beaucoup beaucoup de musiciens qui amènent les musiques traditionnelles vers une sauce expérimentale nouvelle, comme on a pu en croiser ensemble camarades au festival Météo. Et voilà, on doit tout ça à Bernard Lubat, c'est un musicien extraordinaire et incontournable, vraiment un des grands musiciens du XXe siècle. Et on pourra en parler pendant des heures et des heures, moi je vais m'arrêter là parce que l'idée c'était de l'amener vers la liste, mais voilà, il y a vraiment plein de choses excellentes dans la carrière de ce musicien. Et camarade, je te laisse la parole pour un autre musicien incontournable d'ailleurs. Merci de m'avoir réveillé, Manu. C'est déjà noir, c'est déjà la nuit presque. On va se plonger dans le monde américain, Alvin Augustus Lucier Jr., qui était né en 1931 et qui était décédé en 2021 à l'âge de 90 ans. Et c'est un compositeur américain de musique expérimentale et de l'installation sonore qui explore les phénomènes acoustiques et la perception auditive. Longtemps professeur de musique à l'université Wesley de Middleton, dans le Connecticut, Lucier était membre de l'influence Sonic Arts Union, dont faisaient partie Robert Ashley, David Berman et Gordon Mumma. Une grande partie de son travail est influencée par les sciences et explore les propriétés physiques du son lui-même, la résonance des espaces, l'interférence des phases entre des hauteurs de son accordées de façon très précise et la transmission du son par des supports physiques. En 1960, Lucier part pour Rome grâce à une bourse Fulbright où il se lie d'amitié avec le compositeur américain expatrié Friedrich Rozewski, qu'on va encore découvrir dans une autre formation dans la lettre M, et assister à des performances de John Cage, Mercy Cunningham et David Tudor qui constituent des alternatives convaincantes à sa formation classique. Il revient de Rome en 1962 pour occuper le poste à Brandeis en tant que directeur de l'université Chambre Chorus qui présente des œuvres vocales classiques aux côtés de compositions modernes et de nouvelles commandes, qui consacre une grande partie de son temps à l'interprétation de la nouvelle musique. En 1966, il a confondé cofondé avec Robert Ashley, David Berman et Gordon Mumma le Sonic Arts Union. De 1968 à 2011, il a enseigné à l'université Mesleyan, où il était professeur de musique John Spencer Camp. C'est toujours des mots super chouettes. Et on va écouter maintenant un morceau qui était enregistré parce que c'est quelqu'un qui a, au départ, début de son carrière, il a composé plein de choses, mais il n'a pas enregistré plein de trucs. C'est justement en 1976 qu'il a enregistré un album qui s'appelle Bird and Person Dining. Et on va écouter la phase B, qui a exactement le même nom comme titre, donc c'est le Bird and Person Dining. Il est 22h11 sur Radio 106.8 FM. Si vous nous écoutez en direct sur notre station toulousaine, il est 23h31. Si vous nous écoutez sur Bram FM et qu'on est un vendredi soir, et il est l'heure que vous voulez si vous nous écoutez sur nos podcasts. En effet, toutes les émissions de Vraiment Autre Chose, les 200 émissions précédentes, vous pouvez les écouter sur la page Mixcloud de Radio ou la page Mixcloud de Vraiment Autre Chose. Il y a même une playlist spécialement dédiée à nos hors-série au pied de la lettre tentative d'exploration de la Nurse with Wound List dont vous écoutez l'épisode 27 actuellement, et on vient d'écouter à l'instant Alvin Lucier. C'est Nico qui nous en parle. Tout à fait. Et on vient d'entendre le morceau Bird and Person Dining. C'est une composition qui était créée en 71, qui était composée en 75 et qui était aussi enregistrée dans la même année. L'autre face de cet album-là, ça, c'est une composition qui était enregistrée, qui était composée en 71. Le morceau s'appelle The Duke of York. Et la version qui était enregistrée, c'était en 72. Qui était pour le Metropolitan Museum of Modern Art de New York. C'était Alvin Lucier était un compositeur qui n'était pas enregistré plein d'albums jusqu'en 80, et à partir de 80, là, il commence d'enregistrer toutes les compositions qu'il a faites. Et souvent, c'est des compositions avec une idée derrière. C'est pas justement un truc. C'est toujours avec des effets physiques et toutes les choses comme ça. En 75, il compose le morceau qui s'appelle Music on a Long Thin Wire, et il enregistre en 80. C'est Music on a Long Thin Wire est construit de la manière suivante. Le fil est entendu à traverser une grande pièce fixée à des tables à des deux extrémités. Les extrémités du fil sont reliées aux bornes des haut-parleurs d'un amplificateur de puissance placé sous l'une des tables. Un oscillateur à onde sinusoïdale est connecté à l'amplificateur. Un aimant chevauche. Le fil a une extrémité. Des points en bois sont insérés dans le fil et à ces deux extrémités sur lesquelles sont encastrés des microphones du contact acheminés vers un système de son stéréo. Les microphones comptent les vibrations que le fil transmet au point et les transmettant au système de lecture. On faisait varier la fréquence et le volume de l'oscillateur. On peut produire une riche variété de glissements, de décalage de fréquence, de battements audibles et d'autres phénomènes sonores. Cependant, Lucier admet qu'un long fil fin n'a d'abord été utilisé pour éviter l'aspect d'une expérience de laboratoire en faveur d'une apparence plus sculpturale. Un fil fait court au rang également fonctionne. Il a découvert que la meilleure façon de produire une variation dans des phénomènes sonores était de choisir un réglage et de ne pas toucher de l'installation. Il a fait des longes de David Rosenbaum pour se capter à choisir des réglages intéressants. Et c'est aussi une pièce que j'ai eu l'occasion de voir en 95. J'étais à New York et là, il donnait un concert et c'était dans une école, et dans l'entrée de l'école, il y a vraiment cette installation qui était là. Je dois quand même dire que c'est un peu bizarre parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore si intéressé d'écouter des trucs comme ça. Donc, pour moi, c'était un truc un peu basic, un peu, ouais, c'est pas un petit gag, un truc comme ça. Mais après, j'ai écouté les albums et là, j'étais quand même fort surpris. Aussi, durant ce concert-là, pour moi, c'était plutôt une manière de montrer des expériments physiques, des trucs comme ça. Parce que durant le concert, il y a deux soprano saxophones qui jouaient. Les deux jouaient une demi-note de différence et un phénomène physique qui était arrivé. C'était très bizarre. En écoutant, il y a un siffle, un truc qui tourne dans ta tête. C'est vraiment un truc que j'ai jamais compris, mais on a l'impression que avec l'effet de ce truc dans la tête, il y a un truc qui tourne dans la tête. Et, donc, c'est un truc qui a créé. Je ne sais pas expliquer comment ça se fait, mais c'est des choses qui arrivent. Et on va écouter maintenant un morceau donc, de Music on a Long Thin Wire qui était initialement sorti en 1980. Je viens justement de constater que le morceau qu'on va écouter était une réédition qui était sortie en 1992. Et là, il a un autre titre, c'est Wire 1 au lieu de Music on a Long Thin Wire. Donc, c'est de Alvin Lucier qu'on va écouter maintenant. Voilà, je pense que c'était la fin du morceau. Donc, c'est de Wire 1 de Alvin Lucier qu'on peut retrouver sur son album Music on a Long Time Wire. Initialement, c'était un double album. Ici, c'était une réédition sur un CD où que les morceaux sont un peu réduits pour que les quatre morceaux pouvaient être sur le même album. Donc, je pense que c'est plutôt un aspect technique pour raccourcir un peu le morceau. Mais du coup, je suis curiosité. C'est vraiment une musique fascinante. Ça donne à la fois l'envie paradoxale de fermer les yeux pour vraiment plonger et se laisser imprégner dans cet univers. Et ça donne aussi envie d'ouvrir les yeux pour voir l'installation dont tu nous as parlé, qui est à l'origine de cette musique-là. Du coup, ouais. je me demandais, c'est composé ce qu'on a entendu ou c'est improvisé avec le dispositif ? Bah, c'est composé parce que c'est plutôt... Ce qui a composé, c'est vraiment l'idée comment faire l'installation et d'un coup, il en risque, c'est tout. D'accord, ouais. Donc ce qui joue est improvisé, mais c'est l'installation qui, par contre, oui, bah, demande un. Ouais. Ça doit être quelque chose, cette installation-là. Eh bien, c'est formidable. Moi, pour ma part, la seule fois que j'ai eu l'occasion d'entendre la musique d'Alvin Lucier, c'était joué par le percussionniste Lee Kuan Yin, qui avait repris pour le Festival des Bruissonnantes, qui était venu pour jouer la pièce pour triangle solo d'Alvin Lucier. C'est assez extraordinaire de voir tout ce qu'on peut sortir comme son juste avec un triangle. Là, pour le coup, pas d'effet, pas de manipulation. On joue juste sur la proximité du micro avec l'instrument et sur les notes en sustain. Et c'était extraordinaire. C'est vraiment un travail fou, le travail d'Alvin Lucier. Oui, bah, c'est aussi plutôt un compositeur, Lionel Lucier, qui essaie toujours de réfléchir. C'est pas avec des instruments, des trucs comme ça, mais il pense plutôt à une idée comme... ses compositions les plus connues, c'est « I'm sitting in a room », qu'il a composé en 69 et qu'il a pour la première fois enregistré... pour sortir son album en 81, mais c'est aussi un truc incroyable. Donc, dans cette pièce, Lucier s'enregistre en train de raconter un texte, puis passer l'enregistrement dans la pièce et le réenregistre. Le nouvel enregistrement est ensuite lu et réenregistré, et ce processus est répété. La raison de la taille et de la géométrie particulière de la place, certaines fréquences de l'enregistrement sont accentuées, tandis que d'autres sont atténuées. Finalement, les paroles deviennent inintelligibles, remplacées par les fréquences de résonance caractéristiques de la pièce elle-même. Dans son œuvre sur les origines du minimalisme, Edward Strickland a écrit dans sa répétition et ses moyens limités, « Je suis moi dans une pièce qui compte parmi les plus belles réalisation de la musique minimale sur bande. En outre, dans sa conversation ambiante, des modules de parole en fréquence de bourdon, elle réunit les deux principales composants structurellement de la musique minimale en général. Et pour moi, c'est un compositeur un peu comme John Cage, de réfléchir, d'expérimenter et voilà. Ouais, effectivement, ouais, on s'était longuement attardé sur John Cage à la lettre C de la Nurse with Wound List, et oui, il y a des choses où quelque part le plus important, le plus marquant, c'est la démarche déjà de base en fait, une démarche ouais, absolument complètement folle. Eh bien, je vais reprendre la main et on va passer à vraiment autre chose. Pour le coup, cette émission porte bien son nom ce soir parce qu'on a écouté de la librairie musique, du jazz rock, de la musique improvisée. Là, carrément, des expérimentations sonores improbables. Là, on va... Ah ben, c'est une des grandes caractéristiques de la Nurse with Wound List. On va passer au traditionnel groupe de krautrock. Groupe allemand. Le groupe s'appelle Lily. L-I-L-Y. C'est un groupe de rock progressif qui est originaire de Francfort. et qui, comme pas mal des groupes de cette liste, ne s'est pas toujours appelé Lily. À la base, on est sur un groupe de beat music au milieu des années 60 qui s'appelle The Mods, qui ensuite change plusieurs fois de membres pour finir par s'appeler Monson en 1970. Monson, ça veut dire la mousson. Le line-up original, c'est Wilfried Kirchmeier à la basse et à la voix, Manfred Schlackmüller à la batterie, Hans-Werner Steinberg aux instruments avant et Manfred Joseph Smith à la guitare. Steinberg, le dépositaire des instruments avant, part en 1972 pour un voyage de 6 mois en Inde. Il est donc remplacé par un guitariste, pour le coup, Klaus Lehmann. Et quand il revient de son voyage en Inde, ils se disent « bon, on va rester 5 ». Donc voilà, c'est sous cette formation-là que ce groupe, Monson, enregistre une démo en 72 et puis enchaîne les concerts, dont un concert au Frankfurt Zoom Club au Zoom Club de Francfort en octobre 72, au concert auquel assiste un producteur, Peter Hauke, le producteur de la maison de disques Bacillus Records, qui les signe immédiatement après ce concert, tellement il est impressionné par leur musique. Il leur réserve trois jours de studio en janvier 73 au Dirk Studio, et l'album est enregistré, l'album VCU, ce qui veut dire We See You, donc ça veut dire We See You, nous vous voyons. Et par contre, bon, il dit bon, ok les gars, super musicalement, c'est vraiment très bien cet album, il cartonne, je suis très content. Par contre, j'ai quelques petites réserves, ne serait-ce que votre nom, Monson. Non, franchement, c'est naze, faut vraiment changer de nom là si on veut vendre des albums. Du coup, comme on est un peu à la période à la fois hippie et période glam rock, il décide de les renommer Lily, L-I-L-Y. C'est sous ce nom-là que sort l'album We See You en 1973. Et il ne s'arrête pas là dans sa tentative, ce producteur, d'en faire le groupe le plus bankable possible. Il dit « Bon, vous êtes sympas les gars, mais vous avez des têtes un peu austères. Et moi, je voudrais vraiment une pochette vendeuse, une pochette qui donne envie. » Du coup, comme c'est la grande période du glam rock, il les maquille. Du coup, sur la pochette, ils sont maquillés, les gars. Vraiment en mode glam rock. On rajoute des fleurs par-dessus dans la pochette pour faire une tentative de pochettes qui soit un mix entre du glam rock et de la musique hippie. Bon, le produit ne correspondant absolument pas à l'emballage, l'album ne marchera pas, raté. Ça n'a pas fonctionné, monsieur, de tenter de leur faire changer de nom et de leur faire une pochette glam, puisqu'au final, c'est pas du glam rock, c'est pas de la musique hippie, c'est du kraut rock psyché avec des éléments jazzy, notamment par le monsieur dépositaire des instruments avant. Un album pas forcément mémorable, mais bon, sympathique album de krautrock. Comment on va s'en rendre compte en écoutant le morceau qui clôt l'album? C'est le plus long, mais c'est le plus sympa ou le moins antipathique, chacun mettra le curseur là où il voudra. En tout cas, on va s'écouter, donc tiré de cet album We See You, le titre Eyes Look From the Mount of Flash. loneliness will be broadcasted out of the jamboard in the next universe. Hats and loneliness will be broadcasted out of the jamboard. Thank you. Et c'est par ce retentissant gong après ce magnifique solo de Guimbarde que se termine donc cet album We See You, donc sorti par le groupe Lily en 1974. On a écouté le titre conclusif, Eyes Look From The Mount Of Flash. Par la suite, bah, ça s'arrête là. Voilà, pas de suite pour la carrière de Lily, qui résistera pas à l'échec flagrant que sera cet album très antagoniste entre sa pochette et son contenu. Et d'où les... ma foi, on a souvent salué le travail de certains producteurs et leur rôle essentiel, notamment Connie Plank, dans la vie d'un groupe. Là, pour le coup, le producteur était beaucoup trop intrusif, les idées n'étaient pas bonnes, le groupe n'aura pas résisté à cet unique album. Et on vient de terminer la lettre L de la Nurse with Wound List, nous allons donc attaquer la lettre M, et pour ce faire, Nico, je te cède la parole. Oui, mais avant ça, je vais quand même poser une petite question. Est-ce que tu es une personne qui se souvient et te rappelle des listes de données inhabituelles, longues, telles que des noms inconnus, des listes de chiffres, des entrées dans les livres, des choses comme ça? Je ne vois pas ce que tu veux me demander là, pardon. Mais est-ce que tu as quelqu'un qui a une possibilité de mémoriser une longue liste de chiffres inhabituels et des choses comme ça? Non, là j'avoue, je connais personne qui ait ce talent-là. Voilà. Parce qu'il y a un nom spécifique pour ça. En français, on dit un mnémotechnicien et en anglais, on appelle ça un mnémoniste. Ah, c'est et ça, un mnémoniste, voilà. D'accord. C'est quelqu'un qui retient des longues séries de chiffres. Ok, d'accord. Un peu à la Redman. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour la petite explication. Voilà. Ouais, c'est la Belge qui doit l'introduire en France. Mais non. Parce qu'on a commencé avec la lettre M, il y a une formation qui est dans la liste qui s'appelle Mnémoniste, qui est un collectif de musiciens d'avant-garde du Colorado, enraciné dans l'ensemble Mnémoniste Orchestra, dirigé par Mark Derbyshire et William Sharp. Leur musique est un mélange de classiques modernes, de sons expérimentaux, des bruits d'industriels, d'avant-garde et le free jazz. Leurs sorties ont été publiées par leur propre label, autre produit DICE, donc c'est D-Y-S, entre 81 et 86. En 85, le groupe s'est séparé en deux groupes distincts, l'un pour le travail visuel et d'autre pour le travail audio. À partir de cette date, Mnémoniste a fonctionné uniquement comme un collectif d'art visuel, tandis que l'activité musicale a été reprise par un nouveau groupe appelé Biota, qui comprenait quelques musiciens impliqués dans les Mnémoniste, ainsi que de nombreux nouveaux membres. Les deux groupes coexistent et ne partagent que quelques membres. Et donc ils ont un seul album qui était réalisé dans la période de la liste Nurse with Wound. C'était en 80 qu'ils ont sorti l'album Some Attributes of a Living System. Et il y a deux faces. La face A, c'était 12 fragments. Et le phase 2, c'est les autres. Et il faut l'écouter en entièrement pour mieux comprendre leur musique. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va écouter le morceau qui s'appelle, ou le phase qui s'appelle Fragment 1 à 12. dragon that inhabits all the blackness is in them, and our shadows change into the air. But the blackness remains in them, but they are not immortal. Take away their friend, the dragon that inhabits all the blackness is in them, Take away their friend, the vapor of all the water, and the blackness is in them, and the blackness is in them, and the blackness is in them, and the blackness is in them, and the blackness is in them, and the blackness is in them, and the blackness is in them, and the dragon that inhabits all. Oh, wow. Be right Scotch, Trudeau, Scotch, a Bellet, Spitter, Eight, Hop, Owl, Deep Flies, Coy. Celebrating our 100th year as America's favorite soap. Jenny, isn't this my show? Yeah. Then how long have I been wearing polish? Axis. Enemies. Junk. Rusty. Twin. Dial. Doe. Pal. Oak. Trouble. Scrap. Animated. Jitterbug. robot. Thank you. Waouh. Ah, c'est waouh, c'est c'est surprenant, imprévisible, il se passe plein de choses, enfin tout ce que j'aime. Ouais, absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est aussi leur deuxième album qui s'appelait Horde. Je l'ai découvert sur Recommended Records, le label de Chris Cutler à l'époque. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai découvert Mental Mist. Et ça reste assez impressionnant, absolument. Et donc, je pense que ça, c'est plutôt le dernier truc qu'on va passer aujourd'hui, parce qu'on est déjà arrivé à la fin de l'émission, je pense. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Petit bonus. Petit bonus, un cinquième groupe pour la route, et ça fait 2h20 d'émission. Il est donc, attention, c'est parti, 23h20 si vous écoutez Radio Radio sur 106.8 le jeudi soir, comme par exemple en direct ce 2 février. Il est, 2h20, il est donc 23h50, minuit 50 si vous nous écoutez sur Bram FM 100.1 chez nos amis de la Corrèze, et après il est l'heure que vous voulez si vous êtes en train de nous écouter en podcast. Et oui, pour conclure cette émission, et en plus on va rester, on va continuer, il y a une petite unité sonore. Toi, tu as tenu à nous amener beaucoup, beaucoup de bidouilles, beaucoup de choses expérimentales, de construction, de travail autour du son. On va rester dans cette couleur-là avec un album que je ne connaissais pas, que j'ai écouté pour les besoins de l'émission et dont je me suis vraiment délecté, je me suis vraiment régalé. Est-ce que tu connais, toi, cet album de Daniel Valencien et Philippe Maté? Non, pas du tout. Eh ben, écoute, je pense que tu vas toi aussi trouver ton compte. Ils apparaissent sur la liste donc au nom de Maté Valencien, c'est tout. Et un unique album, et déjà une caractéristique assez rare, c'est que bon, Philippe Maté est saxophoniste notamment, il joue de quelques autres instruments sur cet album, et Daniel Valencien, lui, il est ingé son. C'est une des rares fois qu'on voit un ingé son être crédité carrément sur la pochette de l'album, comme faisant partie des artistes, et c'est somme toute assez logique quand on va découvrir la musique. Alors, Philippe Maté, saxophoniste plutôt discret, on va dire, qu'on connaît assez peu en solo, mais qui joue dans des albums assez indispensables, et qu'on retrouve notamment auprès de Jean Guérin, l'album Tacette, que j'avais chroniqué d'ailleurs, ici même, quand on était à la lettre G. Très, très, très, très bel album. Et on le retrouve aussi auprès de Jeff Gilson, décidément, comme Bernard Lubat. Hein, je vous avais dit qu'il y avait vraiment, dans la scène française, d'ailleurs, ça devait être le cas à peu près dans tous les pays, mais dans la scène française des musiques expérimentales, c'est encore le cas maintenant. Ça l'était déjà à l'époque. Tout le monde se croise, se recroise, écoute la musique des uns des autres. Il y a beaucoup, beaucoup de collaborations, ce qui fait que plus on va avancer dans la liste, plus il y a des noms qui vont nous être familiers. Donc, je disais donc qu'on le retrouvait donc dans l'ensemble de Jeff Gilson, en quartet avec Laurence Morris, par exemple, où il fait partie du quatuor de saxophone. Et il participe aussi à un album que j'adore, qui s'appelle L'Enfant Assassin des Mouches, qui est un album de Jean-Claude de Vanier, je recommande particulièrement cet album-là, même s'il n'a rien à voir avec la liste. Et c'est bien dommage, il aurait mérité d'y participer parce que c'est vraiment très très chouette album. Album d'ailleurs dans lequel participait Claude Engel, le guitariste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça se recoupe, ça se recroise. Et maintenant que je vous ai présenté un petit peu Philippe Mathé, on va parler de Daniel Valencien, qui est donc un ingénieur du son, comme je vous le disais. Qui a notamment officié dans le label Big BYG, il est aux manettes derrière des musiciens comme Don Cherry, Anthony Braxton, Sonny Sharrock et Steve Lacy. Tiens, bah décidément. Et il est aussi l'ingénieur du son attitré du label Sarava. Là, on est dans un label français, plutôt habitué aux choses expérimentales, musicales et poétiques. Donc, il a travaillé notamment avec Areski, avec Brigitte Fontaine, avec Maurice Lemaître ou avec le Coelmec Ensemble, encore un groupe dont on a parlé dans cette liste-là. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de Philippe Mathé, un saxophoniste qui joue d'ailleurs sur cet album quasiment que du sax ténor, en jouant non seulement des sons mais aussi avec les clapets. Et il joue aussi du flexatone sur un morceau et de la sansa gabonaise sur un dernier morceau. Et ce qui est très intéressant, c'est le travail de l'ingé son. Enfin, c'est ça qui va faire musique, c'est non seulement ce que joue Philippe Mathé, mais surtout le travail de l'ingénieur du son qui va jouer notamment sur les effets stéréo et aussi sur les chambres d'écho pour transmuter, transformer cette musique. Et là où il n'y avait qu'un saxophone à la basse, par exemple, on arrive à quelque chose d'une espèce de brouhaha symphonique. C'est assez fascinant. Et surtout, ce qui est fascinant, je trouve, parce que bon, le procédé, après tout, peut-être un peu rare à l'époque, mais depuis, des musiciens traités en direct, c'est pas la première fois que j'en entends. Mais là, il y a tout un album qui tient vraiment, mais méchamment, la route. Ça raconte une histoire, enfin, pas textuellement, mais en tout cas, si on ferme les yeux et qu'on se laisse prendre dans l'univers, on est vraiment trimballé, les morceaux se succèdent, il y a toujours, il n'y a pas d'effet de c'est la même chose pendant une heure du tout. Vraiment, c'est varié, ça bouge et c'est toujours donc cette musique. Comment qualifier cet album ? Il y a un côté inquiétant, surtout au début de l'album. Et puis, petit à petit, ça devient par moments ethnique, par moments. Enfin, il y a plein d'ambiances assez différentes et le tout donne vraiment l'impression de raconter une histoire et c'est vraiment délicieux et je trouve ça parfait pour conclure cette émission qui était quand même très orientée ce soir sur le bidouillage, j'aime appeler ça le bidouillage sonore, en tout cas le travail de son, le travail de production. Et donc on va s'écouter donc j'ai vraiment hésité. Moi, je recommande cet album dans son intégralité. C'est un très, très beau voyage. Mais on ne va pas le passer dans son intégralité parce que cette émission touche à sa fin, comme tu le disais, camarade. On va donc écouter les deux titres qui concluent l'album. Et je trouve qu'ils illustrent assez bien ce que je viens de dire et l'ambiance générale de cet album. Donc, on va écouter Daniel Valencien et Philippe Mathé, respectivement donc ingénieur du son et saxophoniste, sur les titres Campus, suivi de Osakaphonie. Et puis, voilà, une belle façon de terminer en beauté, donc fermez les yeux, éteignez la lumière et embarquez-vous pour le voyage, vous ne le regretterez pas. N'attachez pas vos ceintures, au contraire, bougez, laissez le corps parler. Thank you. Acaphonie, c'était donc Daniel Valencien au table de mixage effet et Philippe Maté, saxophone et Senza et Flexitone notamment. Donc c'est le morceau qui conclut cet album, donc Maté Valencien, que j'ai découvert grâce à la Nurse With Wound List. C'est assez formidable de se dire, elle a été faite en 78 cette liste, elle permet encore de nos jours de découvrir des petites pépites inconnues. Si vous voulez écouter cet album dans son intégralité, et je le recommande, je vous invite à aller sur le Bandcamp du label Souffle Continue, qui ont eu la très très bonne idée de ressortir cet album en vinyle et en plus de le mettre en Bandcamp en numérique. Il n'y a pas les craquements que vous avez entendus, le son que je vous ai passé était issu du LP. Vous pouvez l'écouter et c'est vraiment un très très beau voyage. Tu connaissais tout ça, Nico ? Non, je connaissais justement Philippe parce qu'il était aussi membre de le quatuor de saxophone avec Jean-Jacques Dinanto, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai, tout à fait. Eh ben, je trouve que ça clôt à merveille. Enfin, vraiment, on a eu une espèce de petite unité de son dans cette émission. D'habitude, l'unité de son, elle se fait toujours plutôt du côté du krautrock. Là, pour le coup, c'était autre chose et ça fait plaisir. Vous venez donc d'écouter vraiment autre chose. Générique. Bonjour les petits enfants. Et pourquoi tu sont pas là, les petits enfants? Et ouais, c'est dommage qu'ils soient pas là, les petits-enfants, parce qu'avec tous les suraigus là, qu'on a envoyés entre Valencien Maté et Alvin Lucier, je me demande s'il n'y a pas certaines sonorités qu'ils auraient été les seuls à pouvoir percevoir et entendre. En tout cas, c'est ainsi que se conclut cette 201e édition de Vraiment Autre Chose, au pied de la lettre 27. Mais elle se conclut, comme à son accoutumée, par le traditionnel récapitulatif de fin d'émission. Et c'est moi qui ai entamé, tiens, cette fois-ci. On a donc, je vous ai un peu présenté Bernard Lubat. On s'est écouté quelques secondes d'un titre assez récent de la compagnie Lubat de Gascogne, le morceau Indifférence avec André Mainvial. Et puis, on est allé chercher ce qui, dans l'œuvre de Bernard Lubat, depuis ses débuts, l'avait amené à sa présence dans la Nurse With Wound List. On a écouté donc des extraits d'albums de Library Music, de musique illustrative pour la télé, d'ailleurs sorti sur le label Télémusique, il n'y a pas de mystère. On a donc écouté, si je ne dis pas de bêtises, Vibra Burlesque, tiré de l'album Vibraphone en 1969, puis Mr. Ghost, tiré de l'album Variation en 1971. En 71, toujours la compilation, si j'ose dire, More Creative Pop, compilation anglaise toujours de Library Music, avec notamment Teddy Lasry et Claude Engel, futur formateur du groupe Magma. Et Bernard Lubat était aussi présent dans cette compile avec le titre Pop à Bossa. Ensuite, on s'est arrêté sur l'album Bernard Lubat and His Mad Ducks et on a écouté le titre Vendredi chez Astrid Trasouden. Tout ça a été enregistré en 71. En 71 aussi, le live à Montreux où il était accompagné par Eddie Lewis et Claude Engel. Et on a écouté le titre Mickey Schroeder's Dream. Et ensuite, on a enchaîné avec l'Américain, un compositeur incroyable, Alvin Lucier. On a entendu deux morceaux, deux fois une face d'un album. Le premier, c'était Bird and Person Dining, de l'album avec le même titre. Et c'était sorti sur le label Crumbs Records en 1976. Et en 1980, il y a un autre album qui était sorti, Music on a Long Thin Wire, un album où on a entendu le morceau Wire 1, qui vient de l'album qui était une réédition de 92 sur le label Lovely Music Limited. Ensuite, on est parti en Allemagne avec un groupe de krautrock, mais dont la pochette pouvait faire penser à un groupe de glam, à savoir les Mods qui sont devenus les Bonson et qui ensuite, pour les besoins de la production, se sont appelés Lily quand ils ont sorti leur album We See You, We See You. Et on a écouté le titre Eyes Look From the Mount of Flash. Et ensuite, on a enchaîné avec Mnemonists. On a entendu aussi une face d'un album parce que c'était 12 petits morceaux qui sont plutôt collés ensemble de l'album Some Attributes of a Living System et nous avons entendu le fragment 1 à 12 et c'était sorti en 80 sur le label Dice. Et on a fini à l'instant donc avec Philippe Maté et Daniel Valencien, donc deux titres de l'album éponyme, si j'ose dire, Philippe Maté et Daniel Valencien, c'est le nom de l'album, qui était paru chez Sarava en 1971. Et on a écouté les titres Campus et Osakaphonie. Et voilà, et c'est ainsi que se termine cette émission Fleuve. De vraiment autre chose. Mais merci encore, Nico, de ta présence et de tout ce que tu nous apportes. Merci pour l'invitation. Et puis, on se retrouve, j'espère, jeudi prochain pour la 202. Et au pied de la lettre 28, on continuera à explorer un peu la lettre M, où il y a beaucoup, beaucoup de très belles choses à raconter et à entendre. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Si vous nous écoutez ce jeudi soir, restez à l'écoute de Radio Radio. Il y a une très, très belle playlist qui vous attend avec quelques morceaux des épisodes précédents de la Nurse with One List et aussi d'autres petites trouvailles bizarres, expérimentales, progressives, in opposition et j'en passe. Bonne fin de soirée à tous et bonne fin de soirée à toutes. Bonne soirée à toute la France.